c'est pas l'argent qui me fait, non. C'est moi qui fais l'argent. Du rallye, rallye, j'en ai déjà. Toi tu balises, balises quand y'a haja. Famille Konaté, famille Kanté. Quand tu fumes de la caille, tu n'as pas de qualité. Je veux l'argent du beurre et le beurre de karité. À la barre, mes soldats ne sont jamais acquittés. Dans ton assiette, il n'y a que du quêté. T'as fini par marcher pieds nus à force d'être acquitté. Je croise les gens mais je les guette. Puis je me dis, y'a pas de quoi s'inquiéter. Vers la monnaie, pas le temps de trotter. Je te rappelle ta mère même si t'as 30 ans. Vaillant comme N'Golo Kanté. Anis au Roma, je suis là pour longtemps. Et c'est pas l'argent qui me fait, non. C'est moi qui fais l'argent. Du rallye, rallye, j'en ai déjà. Toi tu balises, balises quand y'a haja. Soninqué, j'ai la force dans les gènes. Fini l'esclavage, à jamais je suis déchaîné. Dans mes affaires, non, ne mets pas tes mains. Si tu coumes en mal, on ne peut pas t'aimer. Et c'est mon jour à partir de l'inky. Si le boulet plein, ne mets pas de leggings. La peu fois qu'on a va tous les kills. C'est le fun et sont tous les kills. Mali puissance, y'a maniden. Biblos, jet set, mala everyday. T'as bien raison de nous éviter. Dans le VIP, t'es pas invité. Et c'est pas l'argent qui me fait, non. C'est moi qui fais l'argent. Du rallye, rallye, j'en ai déjà. Toi tu balises, balises quand y'a haja. T'as touché la monnaie, t'as fini par te faire mêler. Quand j'étais dans la merde, go, personne n'est venu m'aider. Je veux mailler, mailler, mailler, tous les jours je cherche la maille. C'est pour mes gars posés au grain toute la journée. Tu balises, balises quand y'a haja. Quand y'a haja, tu balises, balises quand y'a haja.